prédicateur de la morale, sans y penser, n'est pas normal. Écrivez donc une mélodie, et puis un texte bien gentil, des esprits vides à rallier, ce n'est pas ce qui vend dans nos cités. La recette, je vous la donne, un air tout con que l'on fredonne. Faites-les taper dans leurs mains tous ces esthètes pas bien malins. Proclamez-le génie artiste et l'abruti un peu autiste. Et vous verrez qu'on le suivra, surtout si on ne comprend pas. Ce n'est pas l'idée qu'on retiendra, mais combien le montre du doigt. Ce n'est pas l'idée qu'on retiendra, mais combien le montre du doigt. Ils sont pas fous ces hommes d'affaires, le populaire, ça marche l'enfer. Cultiver la foule en délire, ça rapporte plus que de la s'agir. Le rêve de l'enfer en Dieu, être grégaire et pas sans faire. Où sont donc les courageux qui peuvent se plaire en solitaire? Mais où sont donc les courageux peuvent se plaire en solitaire? Pourtant je crois que Nietzsche a dit qu'il n'y a de grand que l'interdit. Voyez, je me lâche, vous philosophe, les grands génies qui m'apostrophent. Mais si j'ai besoin de chercher si loin, c'est peut-être qu'ici il n'y a plus rien. Moi j'aimerais bien sentir enfin ce doux parfum sur TF1. Moi j'aimerais bien sentir enfin ce doux parfum sur TF1. Rationnette, la chansonnette aux écolos ont des bonnes têtes, continuez à vous engager. Moi je me désengage, car c'est couché, mes camarades. Pour moi je trinque avec toi, car t'es sympa. Ne pas se fier aux vieux renards, surtout quand il n'y a plus rien à voir. Ne vous fiez pas aux vieux renards, surtout quand il n'y a plus rien à voir. Oui, je préfère aux idéaux une bonne bière dans un bistrot. La société m'a déjà eu, la preuve c'est que je ne suis pas tout nu. Si je me sens trop seul ici, bah je prendrai ma carte au parti. C'est dur de chercher la vérité dans des sentiers paradisés. C'est dur de chercher la vérité dans des sentiers paradisés. Moi je ne ferai point de morale, pas que ça me dérange, je m'en fous pas mal qu'il continue à se reproduire dans le même moule, dans le même cuir. Allez, surtout ne parlez pas de ce que vous avez entendu là. Car être seul sans renommée, c'est aussi une raison d'exister. Car être seul sans renommée, c'est aussi une raison d'exister. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous êtes tombé dans le panneau si vous chantonnez ce morceau. Si vous chantonnez cet air ballot, c'est que vous n'êtes pas très finaux.